Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 30 novembre et nous souhaitons une bonne fête au André. Ça vient du grec courageux, viril. André est un homme plaisant et agréable, non dépourvu d'un certain charme. Fait pour prendre des responsabilités et les assumer, que ce soit professionnellement ou familialement. Ce rôle de responsable n'est pas sans lui conférer une apparence douce et sécurisante et son air protecteur et avenant ayez aussi pour quelque chose. Il est l'épaule sur laquelle on aime s'épancher, ce qui n'est pas pour lui déplaire car il sait conseiller, protéger comme personne et supporte mal une atmosphère de discorde autour de lui. Souvent, André est un esthète raffiné, près de beauté et d'harmonie. Il a le sens de la conciliation, sait faire preuve de tact, de diplomatie, de galanterie, qualité exceptionnelle de nos jours. Sociable, le sentiment tient une place, une part importante dans sa vie et il est très concerné par ses semblables. Il n'est pas conformiste et il tend à avoir une approche originale des choses. Son sens aigu de la justice le fait souvent passer par des crises de colère, de véritables explosions. Intuitif, perspicace, il est observateur et un esprit analytique, le sens des détails, tout en possédant également l'art de la synthèse. Enfin, André est orgueilleux, perfectionniste et sa volonté dépend principalement de sa motivation. Dicton du jour, on commence avec un dicton qui nous vient du Languedoc de Provence, à la Saint-André, la perche sous l'olivier. On a encore à la Saint-André, la nuit l'emporte sur le jour qui suit. À la Saint-André, la terre retournée, le blé semé, il peut neiger. À la Saint-André, l'hiver est acheminé. Ou encore, neige de Saint-André peut 100 jours durer. Bon, bonne nouvelle, pas de neige au programme aujourd'hui. Célébration internationale aujourd'hui à la Barbade, c'est la fête nationale commémorant l'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni. Au Yémen, c'est le jour de l'indépendance. Et au Royaume-Uni, en Écosse, c'est la fête de la Saint-André, fête nationale des Écossais. Et ça s'est passé un 30 novembre en 1966, indépendance de la Barbade. 1967, indépendance de la République populaire du Yémen du Sud. En 1974, les restes de Lucie, le plus vieil humain, un vieux de 3 millions d'années, étaient découverts en Afrique. En 1979, c'était la sortie de l'album The Wall des Pink Floyd et qui deviendra par la suite le double album le plus vendu de tous les temps. Et en parlant d'album le plus vendu de tous les temps, eh bien en 1982, c'était la sortie de l'album Thriller de Michael Jackson, des ventes estimées à 65 millions d'exemplaires dans le monde. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale avec les Deep Purple et leur titre Smoke on the Water. Bruxelles sur RGM. Presque 8h40, eh bien, on parle maintenant anniversaire. Ils sont nés un 30 novembre 1937, naissance de Ridley Scott, réalisateur, producteur britannique. Réalisateur d'Alien, le 8e passager, de Blade Runner, Thelma et Louise, 1492, Christophe Colomb, Gladiator, Hannibal, La chute du faucon noir, Kingdom of Heaven en 2010 de Robin des Bois, Prometheus, Exodus Gods and Kings, Seul sur Mars en 2017 d'Alien Covenant, et il a en projet Gladiator 2, producteur de Thelma et Louise, 1492 Christophe Colomb, Hannibal, La chute du faucon noir, Kingdom of Heaven, Robin des Bois, Prometheus, Blade Runner 2049, hein, sorti l'année dernière déjà, ça passe vite, et en projet, eh bien, il y a Blade Runner 3. 1943, naissance de Terrence Malick, réalisateur scénariste américain des films La Ligne Rouge ou encore The Tree of Life, récompensé par la Palme d'Or au Festival de Cannes 2011. 1945, naissance de Roger Glover, musicien britannique, bassiste du groupe Deep Purple. 1952, naissance de Mandy Patinkin, acteur américain, vu dans les séries Chicago Hope dans le rôle du docteur Jeffrey Jagger, Esprit criminel dans le rôle de Jason Guyden et depuis 2011 dans la série Homeland dans le rôle de Saul Berenson. 1965, naissance de Ben Stiller, acteur américain, vu dans Marie à tout prix dans le rôle de Ted Stroman, Mon beau-père et moi, Mon beau-père, mes parents et moi, et Mon beau-père et nous dans le rôle de Gaylord Fokker, Zoolander 1 et 2 dans le rôle de Derek Zoolander, où il est également producteur et scénariste, Polly et moi, le film Starsky & Hutch dans le rôle de David Starsky, également producteur délégué de ce film, Dodgeball, même pas mal, dans le rôle de White Goodman, où il est également producteur, et vu aussi dans La Nuit au Musée 1, 2 et 3 dans le rôle de Larry Daley. 1968, naissance de Laurent Jalabert, ancien coureur cycliste français ayant fait carrière de 1989 à 2002. Allez, accrochez-vous, c'est parti pour son palmarès. Il a remporté le classement UCI en 1995, 96, 97 et 99. Champion du monde du contre-la-montre en 97, champion de France sur route en 98. Il a remporté le Tour d'Espagne en 95. Il a remporté le classement par points du Tour de France en 92 et 95, celui du Tour d'Italie en 99, celui du Tour d'Espagne en 94, 95, 96 et 97, le classement de la montagne du Tour de France en 2001 et 2002, du Tour d'Espagne en 95. Il a remporté 25 étapes sur les grands tours, 4 sur le Tour de France, 18 sur le Tour d'Espagne et 3 sur le Tour d'Italie. Et en course à étapes, eh bien, il a remporté Paris-Nice en 95, 96 et 97, le Tour de Romandie en 99, le Tour du Pays Basque en 99, le Tour de Catalogne en 95, 6 classiques également à son actif, la classique de San Sébastien en 2001 et 2002, la Flèche Wallonne en 95 et 97, le Milan-San Remo en 95, le Tour de Lombardie en 97, et de 2009 à 2013, il a été sélectionneur de l'équipe de France sur route. Voilà pour le palmarès de Laurent Jalabert. 1977, naissance de Virginie Guillaume, animatrice télé française. 1978, naissance de Gael García Bernal, acteur mexicain, connu pour son rôle d'Ernesto Guevara de la Serna dans le film Carnet de voyage, son rôle de Santiago dans le film Babel, et vu également dans quelques épisodes de la série télé Tessa à la pointe de l'épée. C'est également l'année de naissance de Pierrick Fédrigo, ancien cycliste sur route français, ayant fait carrière de 2000 à 2016, champion de France sur route en 2005. Il a remporté 4 étapes de grand tour, toutes sur le Tour de France. 1982, naissance d'Elisha Gutberg, actrice canadienne, vue dans Love Actually dans le rôle de Carol Anne, La Maison de Cire, la série télé 24 heures chrono dans le rôle de Kim Bauer ou encore la série The Ranch dans le rôle d'Abby. 1984, naissance de Luc Tardif Junior, hockeyeur sur glace français, ancien hockeyeur, il a mis un terme à sa carrière. Il a joué à Rouen, Mulhouse, Villard-de-Lans, Morzine, Rouen de nouveau, Grenoble ou encore Marseille. 1985, naissance de Kaley Cuoco, actrice américaine, vue dans 7 à la maison, Touche pas à mes filles dans le rôle de Bridget Hennessy, Charm dans le rôle de Billie Jenkins et The Big Bang Theory hein, dans le rôle de Penny Hofstadter. 1987, naissance de Dougie Pointer, musicien britannique, bassiste du groupe McFly, dont on va écouter une de leurs chansons dans quelques instants. Et en 1900, décédé Oscar Wilde, écrivain irlandais, en œuvre principale, on peut noter hein, l'importance d'être constant, le portrait de Dorian Gray ou encore le fantôme de Canterville. En 1977, décès d'Nina Ritchie, styliste française. Et en 2013, on apprenait le décès de Paul Walker, acteur américain, connu pour son rôle hein, de Brian O'Connor dans Fast and Furious 1, 2, 4, 5, 6 et 7. Bleu d'enfer dans le rôle de Jared Cole, Takers dans le rôle de John Haway, Hours, et on avait pu le voir également dans les séries Madame est servie ou encore Les Feux de l'amour. Allez, tout de suite, on écoute le groupe McFly avec leur titre It's All About You. Yesterday you asked me something I thought you knew, so I told you with a smile, it's all about you. Then you whispered in my ear and you told me to, said you made my life worthwhile, it's all about you. Say three words like you used to do, dancing on the kitchen tiles, it's all about you, McFly sur le 107 FM, un peu plus de 8h48 et il est temps pour nous eh bien, de parler météo. La météo. Eh bien aujourd'hui, ne sortez pas sans votre parapluie. Il va servir puisqu'on va passer la journée sous les nuages et la pluie. Des températures comprises entre 6 et 7 degrés ce matin, entre 7 et 8 degrés pour cet après-midi. Ce week-end, ce sera pas joli joli. Hein. Samedi, principalement des nuages avec de la pluie à prévoir samedi soir. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin, entre 6 et 8 degrés l'après-midi. Et dimanche, journée pluvieuse. Des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 9 et 11 degrés prévus pour dimanche après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et honneur aux dames, on commence avec le handball féminin et l'Euro qui a débuté hier pour l'équipe de France qui malheureusement s'est inclinée dans son premier match 23 à 26 face à la Russie. Prochain match pour les Françaises, ce sera dimanche contre la Slovénie. Un mot de biathlon avec l'IBU Cup, premier sprint de la saison hier. Premier podium pour l'équipe de France avec la deuxième place d'Aristide Bègue qui a fait un sans faute. Ensuite, on retrouve Simon Fourcade à la 6e place avec une faute. 36e Hugo Riveil avec deux fautes. 52e Morgan Lamure avec trois fautes. 53e Martin Perilla Boutonnet avec deux fautes. Et Florent Claude, lui, s'est classé 7e de ce sprint avec deux fautes. Et la Coupe du Monde démarre ce dimanche à Pokljuka avec les relais. On connaît la composition des relais français. Le relais single mixte qui aura lieu à midi sera composé d'Anaïs Chevalier et de Antonin Guigona et le relais mixte à 14h30, il sera composé ainsi: Anaïs Bescon, Justine Brezaz, Martin Fourcade et Simon Détieu. Voilà pour le biathlon, on parle maintenant football avec l'Europa League et Bordeaux qui s'est imposé 2-0 face au club de Salvia Prague hier soir, Rennes qui s'est imposé 1-0 à Jablonec et Marseille d'ores et déjà éliminé de cette compétition s'est incliné à Francfort 4-0 et 4-0 c'est également le score de Chelsea qui s'est imposé face au club de PAOK Salonique avec notamment un doublé d'Olivier Giroud. Le programme de la Ligue 1 ce soir, Saint-Étienne-Nantes, samedi Lille-Lyon, Angers-Caen, Guingamp-Nice, Monaco-Montpellier, Nîmes-Amiens, dimanche Toulouse-Dijon, Marseille-Reims, Rennes-Strasbourg et Bordeaux-PSG pour clôturer cette journée de Ligue 1. En Ligue 2 ce soir, Nancy se déplace à Orléans et samedi Metz se déplacera à Grenoble. En National 2, samedi Épinal se déplacera à Sedan. En National 3, Rennes-l'Étape recevra l'équipe 2 de Strasbourg et Thaon-les-Vosges se déplacera à Sarreguemines. Un mot de basket avec l'équipe de France masculine qui ce soir joue en République tchèque. Et si l'équipe de France vient à s'imposer ce soir, eh bien ce sera synonyme de qualification pour le Mondial 2019. Et du côté de chez nous, ce week-end en National 3, samedi précisément, Mirecourt recevra le club de Saint-Dizier. Et on termine avec du hockey sur glace en Détroit. Dernier match de l'année 2018 à la patinoire de Poissompré, samedi. Ce sera Épinal face à Boulogne-Billancourt. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec Wiz Khalifa, Charlie Puth sur le titre See You Again qui figure dans Fast and Furious 7. Le dernier Fast and Furious hein, où on peut voir Paul Walker. On écoute tout de suite See You Again. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn. No. All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way. Yeah, we came a long way from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Let me tell you. When I see you again. both go out your way and the vibe is feeling strong and we're small. Turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. When I see you again. When I see you See you again, Wiz Khalifa et Charlie Puth sur RGM. Un peu plus de 8h58, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, on fait un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, Ours et Carotte. À 13h30, la rediffusion des Secrets de Mathilde. 14h, rediffusion de J'ai aimé, je vous le lis. 15h, rediffusion de Jazz Time de Radio Déclic. 18h, vous retrouverez Lou pour le traditionnel billet de sortie du vendredi pour toutes les sorties du week-end. Et à 21h, ce sera Vincent pour Vivre et Créer à la montagne. Et nous, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. En attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Bye bye.